Ramos. L'engin est chargé, planqué dans sa poche élevée. A 2-10 et pourtant j'ai le pied élevé. Mauvais garçon mais bien élevé. On ne prend pas, on est réservé. On ne fait pas les choux, on est énervé. Grosse tasse, grosse liasse, gros appétit. Porte l'œil, on te le crève à la fétie. Game à plat ventre comme quand ça rédit. J'fume pas, j'ai besoin de tous mes esprits. Capter les rouages du lesbi. Combien je récupère si j'investis? On escroque, on reste qui et on pèse qui? As-tu vraiment confiance en ton équipe? Sans les traîtres, les cafouilles, reste qui? Un dernier coup et on se part sur une presqu'île en jet ski, yeah. Mais j'sais pas nager, j'ai suffoqué, je me suis débattu, j'ai pu flotter. La rue c'est qu'une prostituée surcotée. Le fruit le plus pourri que j'ai pu croquer. Je garde mes amis si près de moi. Qu'ils ont froid quand ils sont près des autres. Je crois que t'as des sous qui me reviennent de droit. Même en enfer, je serai sur tes côtes. Alors pay, pay, pay, pay, pay. Hey, hey, hey, hey, hey. J'ai dit pay, pay, pay, pay, pay. Hey, hey, hey, hey, hey. Y'a l'hélico qui tourne au-dessus de nos têtes. Les murs du comico remplis de nos textes. Joue juste le nom de la mule et celui de l'hôtel. Je quête de tous les techs, rien des côtés. Yeah. Commission rogatoire, j'ai des losards qui se font remonter pour train de vie. Grosse saisie d'armes de guerre, lunettes de tir, infrarouge pour viser en pleine nuit. Personne n'arrête les balles, même avec les réflexes à Donnarumma. On dit pas que la limite c'est le ciel, alors qu'il y a des empreintes de pas sur la luna. Charbon m'a tué, j'en suis courbaturé, comme après une nuit sur les bancs de la jave. J'ai le bagou pour si je finis devant la chape, à deux doigts de lui foutre au fond de la chape. Fais pas trop de grands gestes, quand tu parles à des sales types. Je viens juste réécrire l'histoire avec les chants lexical du casse-pipe. 1, 2, 3 Viva la Tessie. 1, 2, 3 Viva la Tessie. 1, 2, 3 Viva la Tessie. 1, 2, 3 Viva la Tessie. 1, 2, 3 Elle la serre et tu baisseras ma gueule. On a le meilleur tarot sur la bœuf. Je sais quand t'es passé aux aveux. Car je paye et je baisse ta baveux. Oh putain de flop, j'aime mon robe. Nouveau faire tout fun, ne me robe. J'sais qu'il pense à moi tous les matins. Le soleil se recoupe pas d'une main. Ah bah oui, t'as voulu baiser mes amis. RS3 cagoulé dans la nuit. C'est qu'un roulard de 120 sur la piste. Année, j'en cul tout tête de ma vie. Oh yeah, je ne sais miner. Gros fer, c'est le défilé. Tête crabe, mec qui traîne. Nouveau du café, capuché. Les stars, ils sont dépassés. Je vais te niquer ta mère. Mes potes sont dans la gomme, y'a Khotan qui passe la nuit en mer. Pendant qu'à Paname, y'a 10 pites qui m'attendent dehors du rouge à lèvres sur ma portière. Bah les couilles, ouais, gros, on parle peu, ouais, gros, rien ne fait des douilles, ouais, gros, donc je suis pas tout seul. J'ai des cartouches, t'es dans un gros fermé, tout le monde sait que tu l'as loué. Ne fais pas le mytho sans eux parler, tu veux pas l'avouer. T'as sapé 100 000, y'en a 20 à toi, c'est pour aller jouer. Dis-leur d'en s'en connaître, ouais, ouais, ouais, ouais. Un joint dans la bouche quand le soleil se lève dimanche midi. Dans la tête je sens le T-Max en cellule, un plat chaud. Tu sais faire les comptes en millions d'euros. Mon petit ça n'est que des maths. Je me pardonne des envies de fumer. D'une vitre fumée. De la frappe à fumer. Ça y a fini tomber dans mes filets. Beaucoup de mecs qui voudraient nous enfiler. Ton avenir sera être sur un dîner. Sur un dîner. Ancien braqueur qui se met à dealer. On est gang, gang, gang, gang, gang. Y'a du bled, bled, bled, bled, bled. Du bled, bled, bled, bled, bled. On est bled, bled, bled, bled, bled. 1, 2, 3 1, 2, 3